Fallait pas que c'est amusant. Il n'y a pas école aujourd'hui ? Voilà, là, vous avez tout, des BD, des films, des dessins animés. Hein ? Là. Super. Ouais, super. Bah oui, super, je peux pas faire autrement. Du coup, j'ai pas ici, hein. Okay. Et puis, alors, j'ai besoin de 2 heures, là. Donc, vous me laissez 2 heures tranquille. C'est possible ? 2 heures oui, tranquille ? Oui, oui, oui. Merci. Génial. Oh, Théma, il y a une console. Je te massacrer, tu vas voir. Contrôle, pip, plap, fin de frappe, ton golf, je le kidnappe. Une, deux, je fais une autre chose, on élimine deux. Je me swap, je fais un petit point droit. Vitre trop fin, je présente l'OM comme top 20. Je voulais maillot jusqu'à la fin. Autour de corner, je fais des gigis. Je fais danser la défense un peu comme Kiki. C'est le signe du comme Mendy à City. Des titres tout à l'engagé dans mon Kiki. Le ballon arrive en l'air, je fais partir l'attaquant final du pigeon. Appel contre appel, vif comme Griezmann, gauche comme Bale. Sur le terrain, je m'amuse. Je tape le ballon sur la nuque. Platine, c'est ma marque, marque, je suis parti de rien, comme un FIFA dans le fut. Comment le stand, je fais un ciseau. Je sors le signe, je la zizou. Je peux bloguer aller sur le ballon, je fais un bisou. Je peux bloguer aller sur le ballon, je fais un bisou. Ma team, c'est la meilleure. Tout ce qui de mon copain, il y a. Je veux le carré froid, pas de frayeur. Comment la passe, je le but. Comment la passe, je le but. Comment la passe, je le but. Comment la passe, je le but. Comment la passe, passe, passe. Comment la passe, je le but. Comment la passe, je le but. Comme Bob Marley, contrôle poitrine, j'attire.